Un jour, à la récréation. Les élèves travaillent. Soudain, la maîtresse dit : c'est l'heure de la récréation. Les élèves rangent leurs affaires, se lèvent et se mettent en rang dans le couloir pour descendre dans la cour. Dès qu'ils sont dehors, garçons et filles se mettent à courir dans tous les sens. Ils crient, ils rient, ils jouent. Il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent dans les arbres. Des groupes se forment, les uns jouent au ballon, les autres sautent à la corde, certains rêvent tout seuls dans leur coin. Tout à coup, une bagarre éclate sous le préau. Des gros mots, des cris de colère. Un garçon se sauve avec le ballon d'un autre. Le propriétaire du ballon est fou de rage. Avec ses copains, il réussit à rattraper son voleur. Il le secoue de toutes ses forces. Il lui donne des coups de pied. Il le pousse violemment contre le mur. La tête du garçon claque sur le mur et il s'écroule par terre. Il ne bouge plus, il a la tête pleine de sang. Autour de lui, tout le monde se tait, plus personne ne joue. Des maîtres arrivent, on part appeler les secours. Quelques minutes après, on entend la sirène des pompiers. Le blessé est vite transporté à l'hôpital à côté de l'école. Les élèves remontent en classe. Plus personne n'a envie de rire. Tout le monde est inquiet pour le blessé. L'enfant se réveille à l'hôpital. Il crie, il a très mal à la tête et il a peur. Ses parents arrivent, sa mère pleure. Des heures passent. Enfin, après beaucoup d'examens, les médecins annoncent aux parents que leur fils n'a rien. C'est le soulagement. Deux jours après, le garçon revient à l'école. Tous ses camarades l'accueillent avec joie. Tous veulent lui prêter leur ballon. Le garçon qui l'a poussé regrette sa brutalité. Ils se promettent de ne plus se bagarrer et de jouer ensemble. Et les jeux de la récréation reprennent.